Chapitre 3. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était un chef des Juifs. Il vint une nuit auprès de Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne peut faire des miracles comme tu en fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répliqua, « Je te le déclare, en vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau ? Lui demanda Nicodème. Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Jésus répondit, je te le déclare. En vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit. Ce qui naît d'un père humain est humain. Ce qui naît de l'Esprit est esprit. Ne sois pas étonné par ce que je t'ai dit, vous devez tous naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Voilà ce qui se passe pour tout homme qui naît du Saint-Esprit. Alors Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un grand maître du peuple d'Israël, et tu ne sais pas ces choses ? Eh bien, je te le déclare. Nous parlons de ce que nous savons, et nous disons ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses qui arrivent sur la terre. Comment donc me croirez-vous si je vous parle des choses qui arrivent dans le ciel? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive le salut par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici d'où vient la condamnation. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes aiment mieux l'obscurité que la lumière parce qu'ils agissent mal. Tout homme qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, car il a peur que ses actions mauvaises apparaissent en plein jour. Mais celui qui fait ce qui est vrai vient à la lumière afin qu'on voit clairement qu'il agit en obéissant à Dieu. Après cela, Jésus et ses disciples allèrent dans la région de Judée. Il y resta quelque temps avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Aenon près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Les gens venaient à lui et il les baptisait. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Alors quelques-uns des disciples de Jean commencèrent à discuter avec un juif de la manière de se laver selon les rites religieux. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, « Maître, tu te rappelles l'homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui dont tu nous as parlé. Eh bien, maintenant il baptise, et tous vont à lui. » Jean leur répondit, « Personne ne peut avoir quelque chose si Dieu ne le lui a pas donné. Vous pouvez vous-même témoigner que j'ai dit, « Je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. » Le marié est celui à qui appartient la mariée. Mais l'ami du marié se tient près de lui et l'écoute, et il est tout joyeux d'entendre la voix du marié. Cette joie est la mienne, et elle est maintenant complète. Il faut que lui devienne plus important, et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre appartient à la terre, et parle des choses de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il dit ce qu'il a vu et entendu, mais personne n'accepte son témoignage. Celui qui accepte son témoignage reconnaît que Dieu dit la vérité. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne pleinement son esprit. Le Père aime le Fils et a tout mis en son pouvoir. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui désobéit au Fils n'aura pas cette vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui.